France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques dans la série Culture Science, sur France Culture et toujours bien sûr en direct du studio numéro 1 de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser à la biodiversité, mais dans les villes, dans la ville, la biodiversité urbaine. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nathalie Machon, elle est professeure d'écologie au Muséum d'Histoire Naturelle, le MNHN, selon son acronyme, et Philippe Clergeot, qui est lui aussi professeur d'écologie, mais on pourrait préciser professeur d'écologie urbaine et lui aussi au MNHN. Tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, je retiens une fois encore les fourmis. Et plus exactement celle de l'espèce Alomerus, et je vais dire lentement son nom d'espèce, Desmarticulatus. Ces fourmis vivent en Guyane, et tout commence par un arbuste. Il est connu pour être myrmécophyte, c'est-à-dire que c'est un arbre à fourmis. De tels végétaux présentent des structures modifiées qui permettent l'hébergement des fourmis et très souvent, presque toujours, offrent à ces dernières le repas, l'alimentation. La plante s'assure ainsi en permanence de la présence de fourmis sur son feuillage et se trouve également protégée de ce fait par certains insectes herbivores. Exemple, là encore, magnifique de commensalisme réciproque. Là, cette fois, les fourmis sont abritées dans des petites poches. Mais ces fourmis sont minuscules, leur taille n'excède pas 2 mm. Ces Alomerus présentent le premier cas connu de piège collectif élaboré et bien sûr utilisé par ces insectes. La structure construite par ces fourmis est constellée de trous circulaires d'un diamètre régulier. Dans chaque trou, une fourmi. Elle reste immobile, sa tête s'adaptant parfaitement à l'ouverture. Qu'un insecte volant vienne à se poser par hasard sur la structure et le scénario suivant se déroule. Quelle que soit sa taille, l'insecte pose inévitablement au moins une de ses pattes à ailes au niveau d'un trou. Là, les fourmis, en faction, agrippent alors le visiteur. Très vite, l'insecte est immobilisé, piqué par de nombreuses fourmis qui viennent à l'aide des premières. Les Alomerus pourvus d'un aiguillon possèdent un venin qui semble très efficace. Le sort de l'insecte est piégé, a été réglé en quelques secondes qui ont suffi à son immobilisation. Après cela, et selon la taille de la proie, le processus prendra plus ou moins de temps, parfois plusieurs heures, à l'issue desquelles l'insecte sera transporté entier dans une alvéole ou préalablement découpé sur place. Certaines proies sont plus aisément capturées que d'autres. La taille est bien sûr un facteur important. Reste que les Alomerus sont capables de capturer des proies dont la masse est, tenez-vous bien, de 1500 fois supérieure à la leur. Bonjour Nathalie Machon. Bonjour. Bonjour Philippe Clergeot. Bonjour. Elles sont intéressantes ces fourmis, hein? Tout à fait. Travail en commun, etc. Ouais. Oui, beaucoup de choses derrière, tout à fait. Savoir si il pourrait y avoir comme ça des collaborations. Il n'y a pas de commensalisme fourmis-arbre dans la ville de Paris, par exemple. C'est une colle. Oui, c'est un peu une colle. Il n'y a pas beaucoup de fourmis dans la ville de Paris. Il y a des petites fourmis, effectivement, qui se dispersent beaucoup, qu'on retrouve dans les jardinières et dans les maisons, qui peuvent se suffire de quelques fissures. Mais c'est pas du tout aussi complexe et organisé que ces fourmis qui sont en liaison avec les arbres. Oui, puis en plus ma question est idiote parce que de toute façon ce sont des végétaux qui vivent donc qui sont tropicaux, donc il y a peu de chance. Enfin bref, vous êtes l'un et l'autre donc les duettistes, auteurs, Nathalie Machon et Philippe Clergeau, d'un ouvrage qui répond à une question plus exactement, qui répond à une question avec enfin, il y en a 90. Où se cache la biodiversité en ville ? 80 clés pour comprendre cette nature, la nature en ville. Ouvrage édité aux éditions Quae. Alors, avant qu'on commence à essayer de savoir, par exemple, ce qui peut se cacher à Marseille, à Strasbourg, à Paris, comme plantes, comme animaux, on pourrait peut-être avoir un propos d'ordre plus général. À partir de cette constatation, c'est que la majorité de l'humanité est urbaine, maintenant. Et le processus ne risque pas de s'arrêter. Quel est votre sentiment sur ce point de vue, d'abord, Philippe Clergeau? Oui, tout à fait. C'est en 2007 qu'il y a eu ce croisement où la population mondiale est devenue plus urbaine que rurale. Enfin, c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire que jusqu'à il y a très peu de temps, la majorité des gens vivent quand même de la terre ou voilà, et sont proches des ressources qu'ils exploitent, même si les villes prenaient énormément de place. Mondialement, ça veut dire que on parle pas des pays seuls tempérés qui sont effectivement depuis longtemps très urbains, mais mondialement aujourd'hui, les urbains sont plus nombreux que les ruraux. Donc oui, ça pose d'emblée des questions sur où vivons-nous, où allons-nous vivre, et puis l'évolution de cet établissement humain qui est la ville, quoi. Donc on peut replacer aussi dans une évolution. Je sais pas si je démarre tout de suite parce que c'est vrai que ça a été très rapide dans les dernières années un petit peu sur ce profil de ville qui était complètement minéral. Hein. Là, on a construit des villes, c'était pour se protéger des brigands, pour se protéger des bêtes sauvages, etc. Et puis, c'est au cours du 19e qu'on a commencé avec ces villes qui étaient très industrielles, à avoir une approche un peu plus hygiéniste, à faire rentrer des beaux parcs dans les villes. Et puis, aujourd'hui, on a encore sur un nouveau valet un peu de questionnement. Nathalie Machon. Ce que je voudrais dire, c'est que heureusement que la population vit en ville, parce que si, étant donné le nombre d'habitants de la Terre, si chacun habitait un espace plus grand, en fait, la totalité du globe serait occupée par l'espèce humaine. Le fait de se concentrer en ville, ça permet d'épargner d'autres zones, de laisser des espaces agricoles pour se nourrir, et puis des espaces naturels où la biodiversité peut exister. Donc, si je vous suis, simplement, il vaut mieux qu'on ait un destin de fourmi, qu'on vive dans des fourmilières avec un petit espace, plutôt que d'être répandu à milliards, ce qui serait évidemment tout à fait impossible. Il y a un concept quand même qu'il faudrait immédiatement introduire avant qu'on passe à ces 90 clés. Enfin, on va pas toutes les aborder, ces 90 questions. Mais il y a quelque chose en plus à laquelle vous tenez, à juste titre, évidemment, Philippe Clergeau, c'est que ça forme écosystème. Il y a un écosystème. Et que l'écosystème urbain, de prime abord, ça étonne, parce que quand on parle d'écosystème, pour ceux qui sont un peu éclairés en écologie, ils voient évidemment une situation de structure où il y a des éléphants, des hippopotames, des baobabs, que sais-je encore, beaucoup de fourmis, et ainsi de suite. Or, ça forme vraiment un écosystème. Et c'est une idée à laquelle vous tenez. Oui, parce que c'est... On pense que c'est un passage d'une approche très naturaliste, oui. C'est-à-dire où on va regarder les petites plantes et les petits animaux, on va en parler bien évidemment, oui. Mais pour que ça se tienne dans le temps et pour qu'on aborde aussi des notions de durabilité, aujourd'hui la ville durable c'est quand même un sacré questionnement, hein, oui. Surtout avec ce qui s'est passé, et toute cette COP21 sur laquelle on en reparlera peut-être tout à l'heure, etc. Oui. Voilà, on a des questionnements très très larges qui nous imposent aussi de sortir un peu juste d'une vision d'espèces à côté les unes des autres pour aller vers un fonctionnement. Et ce fonctionnement, nous écologues, on le traduit sur des écosystèmes ou sur des paysages avec plein d'écosystèmes, parce que en ville, alors c'est l'originalité aussi de la ville, hein, on a tendance à parler d'un écosystème, c'est déjà beaucoup, mais en fin de compte, il y a plusieurs écosystèmes, entre les berges de la Seine, entre un vieux mur, entre une toiture, on a bien évidemment, on a plein de caractéristiques qui sont complètement différentes, et donc qui vont faire des écosystèmes différents. Et on peut pas, alors, quelque chose qu'on a appris aussi avec tous nos travaux, toutes nos recherches, c'est qu'on peut absolument pas caler ce qu'on connaissait sur les écosystèmes et le fonctionnement qu'on a étudié depuis longtemps, hein, sur des systèmes naturels, voire agricoles, on peut pas les caler dans la ville. Bien sûr. On a des variables qui sont beaucoup trop différentes, et puis on a ce poids cette présence de l'homme qui fait que, voilà, on a des décisions, on a des réponses immédiates à la présence d'une espèce ou pas, ce qui n'existe pas dans les autres écosystèmes. Donc l'écosystème urbain est particulier. Et oui, il est particulier en plus parce que c'est un système de bâti. Là encore, on met ça comme pierre d'attente puisqu'on y reviendra obligatoirement. Et ce que vous l'indiquez, c'est qu'il y a, comme dans tous les systèmes, les écosystèmes, il y a des sous-écosystèmes, il y a donc des jeux de relations à différentes échelles, et que tout ont leur importance, et que vous devez vous en tenir bien évidemment compte. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir qui soit le plus pertinent pour commencer? Est-ce que on peut dire, de but en blanc, toujours dans les questions d'ordre à peu près général, est-ce qu'il y a une véritable biodiversité? Qu'est-ce que vous pensez de cette question, puisque vous la posez dans votre ouvrage? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors en ville, il y a une biodiversité qui n'est pas aussi riche que dans certains milieux naturels, mais qui est quand même relativement importante. Et peut-être que ce qu'il faut signaler quand on parle d'écosystèmes, c'est que ces écosystèmes rendent des services et que ces services sont extrêmement utiles aux populations humaines qui habitent les villes. Par exemple, les écosystèmes urbains ont des fonctions de dépollution, par exemple de l'air, de l'eau, du sol. Elles ont un rôle très très fort en période de canicule, quand la température augmente, elles tempèrent vraiment la météo. Donc, oui. D'ailleurs, je fais juste une petite incise, pardon de vous interrompre juste une seconde, mais vous constatez très très tôt dans votre ouvrage que la ville, d'une certaine manière par définition, c'est un milieu qui est plus chaud. Oui. Il est plus chaud de 2 voire 3 degrés. Même beaucoup plus que ça. Et parfois beaucoup plus, bien sûr, que la campagne environnante. Oui. On peut noter entre 7 et 10 degrés de différence avec la forêt de Fontainebleau, par exemple, été. Oui. Et même entre le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes et le cœur de Paris, il y a des grosses différences. Donc on voit que les écosystèmes jouent des rôles très très importants et plus ils sont fonctionnels, mieux ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on est très très fervent admirateur de la biodiversité. On sait que plus elle est riche, plus les espèces sont diverses et plus ce fonctionnement se fera bien et les services seront rendus. Alors la biodiversité, elle est relativement riche en ville parce que c'est une mosaïque d'habitats. Et que les espèces, des espèces très complémentaires peuvent habiter certaines des toits, certaines des trottoirs, certaines des pelouses, etc. Et donc, on arrive comme ça à une richesse relativement importante pour peu qu'on en prenne soin et qu'on la dégrade pas systématiquement. Bien sûr. Alors, comme les choses vont être un petit peu partagées entre d'un côté, avec vous, Nathalie Machon, plutôt la botanique, et avec Philippe Clergeau, plutôt les animaux, plutôt la biologie animale. J'ai quand même envie de prendre un exemple très très rapidement que vous citez, qui m'a étonné. La chose se passe à Angers, et vous avez remarqué, on a observé qu'il y avait une petite fougère méditerranéenne, qui était, semble-t-il, très jolie. Tout à fait. Et qui s'appelle, c'est une poly... quelque chose. Un polypode. Ces espèces qui aiment bien la chaleur, elles ont tendance à s'inviter en ville plus facilement. Et puis avec le réchauffement climatique, elles trouvent les voies pour avancer petit à petit. Alors une plante, ça bouge pas. Mais grâce aux graines, ou pour les fougères, grâce au spore, elles peuvent avancer et rester dans des zones qui leur conviennent. Et donc on les trouve, ces espèces qui aiment la chaleur, on les trouve facilement en ville, oui. Philippe Clergeau, autre petit exemple, là encore, pour débuter, mais que j'ai trouvé là parfaitement intéressant. Vous parlez des étourneaux, et vous dites qu'ils viennent dormir à la ville. Donc ils vivent campagne, c'est pas le rat des champs, rat des villes, c'est les étourneaux des champs la journée et les étourneaux des villes la nuit. Tout à fait. À cause de la chaleur, là encore? Alors, on a cherché un petit peu les causes, parce que a priori, il y a du dérangement, etc., et c'était pas du tout évident. Alors, en fin de compte, c'était surtout vrai en Bretagne, mais pas que, sur des voies de migration. On a vu ça aussi à Montpellier, à Roche-sur-Yon, etc. Et c'est vrai que les recherches qu'on avait faites nous ont permis de montrer que, d'abord, il y avait souvent des dérangements en campagne, parce que c'est un des prédateurs des cultures, donc voilà, il est un peu pourchassé. Mais en ville, il a trouvé à la fois la température qui est supérieure, qui est nettement nettement supérieur. Ça, on l'a mesuré. Hein. Les dortoirs en ville et en campagne proche sont vraiment significativement différents. Et puis, il y a cette lumière qui l'amène à se protéger d'une certaine façon parce que c'est un oiseau qui ne voit pas bien la nuit. Et donc, du coup, le fait de pouvoir avoir cet éclairage lui permet de pouvoir réagir, répondre rapidement si jamais il y a une perturbation quelconque ou un prédateur. Alors, question, là encore, surtout certaines sont formulées avec ironie. La cité fait-elle peur aux prédateurs ? C'était vrai jusqu'à il y a peu de temps, parce que on a défini un peu cette biodiversité tout de suite. Elle est surtout importante depuis peu de temps, parce que l'arrêt, c'est vraiment des chaînes. Hein, faut penser aux chaînes alimentaires. Je crois que c'est ce qui est le plus illustratif. Quand on a arrêté les herbicides, les pesticides ou autres, donc on a commencé à avoir des mauvaises herbes, comme on dit, des insectes dessus qui ont pu s'installer, donc aussi des oiseaux, et on recrée cette chaîne alimentaire. Et donc pendant très longtemps, il n'y avait pas vraiment de grands prédateurs ou de prédateurs en ville, à part le chat, hein, dont on parlera peut-être à un moment donné, mais voilà. On va en parler. Mais ce qui se passe, c'est que depuis qu'on a un peu ces constitutions de biodiversité réelle qui s'installent, c'est clair qu'on a effectivement notamment des rapaces, hein, des faucons cresserelles et d'autres. On a même des couples d'éperviers dans la ville de Paris qui vont chasser des oiseaux, qui vont changer de comportement alimentaire parfois, qui vont manger des moineaux plutôt que des campagnols, parce qu'il n'y a pas beaucoup de campagnols dans la ville, etc., etc. Donc, ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de dérangements, mais c'est quand même des animaux un peu spécialistes qui se sont adaptés. Et puis juste, alors pour ne pas rester sur les rapaces, on a quand même le renard, la fouine, etc., qui sont aussi des prédateurs, mais eux qui sont très, très généralistes, c'est le terme que nous on utilise, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'utiliser beaucoup de types d'habitat, de types de proies, et donc du coup qui sont rapidement rentrés dans la ville et qui vont occuper cette ville facilement. Restons sur les chats parce que vous donnez des chiffres qui sont tout à fait étonnants. Des naturalistes ou des écologues anglais ou britanniques ont fait une extrapolation à partir de 78 chats. Ils estiment donc qu'un total de 70 millions de proies, toutes espèces confondues. Pour l'endroit où ils ont regardé la chose, je suppose que c'est la ville de Londres, ce qui fait 35% d'oiseaux, et dans ces 35% d'oiseaux, 46% d'hirondelles. Ça m'a fait immédiatement penser, c'est terrible quand même les chats, parce qu'ils ne sont jamais domestiqués. C'est un féral définitif. Hein. C'est pas un féral définitif. Oh. Mais disons qu'il a gardé, son caractère de prédateur, et même s'il a plus faim, il continue à jouer et à chasser. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, j'encadre une thèse sur la prédation du chat en France, qui n'avait jamais été fait, et on veut remettre un peu exactement les chiffres, parce que là, c'est des multiplications un peu simplistes, hein, selon les habitats, les chats vont pas. Oui, on extrapole. Bien sûr, c'est une extrapolation trop rapide, quoi. Mais ce qu'on sait, les travaux australiens, anglais, américains, montrent que c'est quand même un des principaux prédateurs en ville de la petite faune. C'est un peu comme à Kerguelen, d'une certaine façon, parce que manger autant d'hirondelles, hein, surtout qu'en plus, enfin bref. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt, ça va être les petits passereaux du jardin et puis les campagnols qui sont les premières proies et qui font les jeux du chat. Les rapaces. Il y a aussi, évidemment, dans ces prédateurs, les rapaces. Il y en a un exceptionnel, puisque on a vu à Marseille un hibou grand-duc. Mais les rapaces que l'on connaît à Paris, c'est les petits faucons cresserelles qui sont sur Notre-Dame, c'est ça. Alors on a toujours des espèces qui viennent, surtout sur des espèces aussi mobiles. Oui. Hein, on a toujours une espèce qui peut à un moment s'installer ou venir chasser. C'est le cas des chauves-souris, c'est le cas de beaucoup d'animaux très mobiles. Bon là, c'est quand même un peu exceptionnel. C'est un énorme rapace qui a des contraintes de ressources et d'abris qui sont très particulières. Et surtout à Marseille, où bon, à part les pigeons, il y a quand même pas énormément de biodiversité, même si les parcs sont de plus en plus verts et accueillent pas mal d'espèces. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui nous permet de voir aussi qu'on a un fonctionnement global qui est en train de s'installer. Pour nous, c'est un peu des bio-indicateurs, hein, c'est le terme qu'on utilise, pour dire, voilà, maintenant qu'on commence à avoir des rapaces qui s'installent, ça veut dire que il y a aussi des petits passereaux qui vont manger, ou des lézards, ou autre chose, qui vont aussi trouver des insectes, qui vont aussi trouver des plantes, et pas obligatoirement des plantes exotiques, souvent très difficiles à manger. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Alors je reprends par cette question que je vous adresse à Philippe Clergeau. J'ai été très très étonné, en tout cas c'est une expérience personnelle, j'ai même pu prendre une photo. J'habite dans une maison qui est où il y a un peu de verdure, où il y a quelques arbres, et un jour j'ai vu un jet. Et comme tous les corvidés, c'est un gros malin, et lui aussi c'est il est opportuniste. Ce jet était vraiment devant moi, en train de manger un petit oisillon qu'il avait dû. Alors quoi? Je souhaite, il y a trop de pigeons. Alors allons-y, je souhaite que ce soit un petit pigeon. Il y a des jets dans Paris? Il y a quelques jets, oui, tout à fait, dans Paris, il y a des jets. En tout cas, j'en ai vu un. Oui, oui, si, il y en a. En train de faire le carnivore. Les corvidés sont assez présents parce qu'ils sont assez opportunistes. Ils ont déjà, ils ont déjà un régime alimentaire qui est assez large. Donc les pies, les corneilles ou les jets, voilà, ont des régimes alimentaires qu'on connaît bien, mais ils sont tout à fait effectivement capables de manger, de prédater d'autres petits, des œufs ou des oisillons, tout à fait. Ouais. Restons sur les oiseaux et sur leur manigance. Si on pense aux poubelles qui étaient au bout du côté Seine du muséum, il y avait un McDo pas très loin, tant pis pour la marque, hein, mais mauvais comportement, vous avez été obligé de mettre des couvercles parce que les corneilles faisaient le ménage. Ah oui, alors ça c'est c'est incroyable. Ça c'est bizarre. Donc les corneilles sont habituées effectivement à manger, à chercher un petit peu aussi dans les déchets. Hein. Ils ont toujours été sur les décharges d'ordures, par exemple. Donc c'est un comportement que de généraliste un petit peu, comme je disais tout à l'heure. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'avec le plan Vigipirate, il y a eu un abandon des poubelles fermées et on a mis des plastiques. Et ces plastiques permettent de voir à travers, bien évidemment, c'est l'objectif. Et les corneilles, ce qu'on voit, on le voit très très bien sur le jardin des plantes, notamment au muséum, c'est que les corneilles font le tour des poubelles en sac plastique et sont capables d'aller déchirer pile poil là où il reste un petit peu de frites, un petit peu de sandwich ou autre. Et donc du coup, il a fallu inventer ou trouver un système pour garder une transparence, mais en même temps éviter que les corneilles déchirent ces sacs. Donc du coup, aujourd'hui, il y a des espèces de plexiglas, on a trouvé pas mal d'autres, on voit maintenant dans les rues de Paris d'ailleurs, oui. Avec surtout qu'en des plus, petites grilles autour. Quand elle voyait un groupe d'enfants avec leur accompagnateur en train de manger justement ces mauvais sandwichs, il y avait tout un cercle de corneilles en train d'attendre à la fin du repas. Ça faisait peur aux enfants en plus. Ils vivaient Hitchcock un petit peu, les oiseaux, ils se disaient comment on va être croqués. C'est un des problème un petit peu de la ville, c'est cette appropriation d'une faune qui réagit très très vite. Alors c'est surtout vrai pour les oiseaux, hein. On va nourrir les goélands et les pigeons, les corneilles, etc. Mais en même temps, on ne sait pas toujours qu'on nourrit aussi, bien évidemment, des rats. Et puis il y a des gens, même aujourd'hui, qui nourrissent les ragondins, des choses qui sont un peu surprenantes comme ça. Il y a une forme un peu d'appropriation de cette faune exotique qui est mandée facilement. Quoi. On va parler évidemment longuement de la botanique, mais très très tôt dans le livre, vous avez une considération, Nathalie Machon, qui est la suivante, c'est que un pot de fleurs qui est visité, mais il participe à la biodiversité, puisque un petit pot de fleurs, vous faites un tout petit peu. Oui, mais enfin, si on rajoute tous les balcons de Paris, ça va commencer, c'est bien ça? Mais tout à fait. En fait, la biodiversité en ville, elle est contrainte sur des surfaces qui sont extrêmement restreintes. Et donc, tout espace, un tant soit peu végétalisé, c'est de l'espace gagné pour une certaine nature. Alors, on a la nature spontanée, celle qui s'installe sans nous demander notre avis, mais il y a aussi toute cette nature cultivée qui est le souhait, le plaisir des citadins, et ça participe au plaisir des citadins, mais aussi ça produit du nectar pour les pollinisateurs, ça absorbe également sa part de polluants, et donc c'est une biodiversité qui en proportion est importante, hein, dans les villes. On ne peut pas l'oublier, et comme elle est vraiment culturellement très importante pour les gens. C'est normal de la favoriser. Bien sûr. Alors, vous avez près de vous, Philippe Clergeau, un papier, puisque vous savez que vous êtes dans une maison qui fournit du miel. La maison de la radio, la maison ronde. Donc, c'est du miel parisien. Est-ce que, parce que j'ai l'impression qu'on peut y trouver un de vos arguments dans le cas de pollinisation par ces abeilles là des ruches, comme il y a, c'est une question croisée, comme il y a des plantes exotiques et donc qui ont évidemment des qualités gustatives par leur pollen différentes, on peut peut-être imaginer que certains des miels parisiens ont des originalités plus importantes que celles qui sont de régions agricoles plus spécialisées. Qui veut répondre à cette question ? Oui, tout à fait. Il y a eu pas mal d'études, à la fois pour savoir si c'était, s'il y avait une pollution, métaux lourds, etc., qui existe de façon très importante en ville, hein, ça c'est clair. Mais aussi si elle pouvait avoir un goût ou autre. Et c'est un miel qui a une certaine richesse. On a découvert plusieurs dizaines, voire centaines de pollens différents ou de choses comme ça, de plantes. C'est un des avantages de ce miel béton, puisque c'est un des termes qui avait été utilisé à un moment donné. Alors, à ce sujet, moi je pousse toujours un peu le bouchon un peu plus loin. L'installation de ces ruches en ville, au point de vue sensibilisation du public, au point de vue... Pour faire comprendre un peu cette notion de chaîne alimentaire, c'est indispensable. C'est bien parce qu'on a aussi installé des ruches en ville qu'on a compris que il fallait arrêter les pesticides derrière, sans quoi les abeilles elles pouvaient pas survivre. Donc là, il y a une cohérence dans le propos. Mais en même temps, pas de pesticides dans ce miel parisien. Il y en a très peu, il y en a peut-être un peu, mais bon, je pense pas que ça passe beaucoup dans ces organes de. Et les microparticules. Alors ça, c'est autre chose et c'est pas évident, mais je pense que dans le miel, il y en a très peu, puisqu'on a quand même, sauf si la ruche est en plein milieu d'un boulevard, mais autrement, le type de prélèvement de l'abeille fait que c'est un peu particulier. Non, ce que je voulais dire, c'était que c'est intéressant et on en a fait la promotion. La preuve, c'est que c'est nous qui l'avons installé au muséum, il n'y en avait pas. On a installé trois ruches au muséum. Alors, ils sont un peu planqués parce qu'en France, on a une peur des plaintes et des piqûres qui font qu'elles ne sont pas visibles, accessibles et tout ça très facilement. Mais enfin, quand même, c'est fait. Donc, on a été sur cette promotion-là. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on dépasse trop. C'est quand même une espèce domestique. Mais oui. Et donc, du coup, ce qu'on s'est aperçu, la question qu'on se pose, c'est, et qui est en train d'être étudiée, aussi bien à Lyon que d'ailleurs au muséum, c'est de savoir si oui ou non, on va avoir une compétition avec toutes les autres petites abeilles. Il y a des milliers d'espèces, il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles sauvages, solitaires ou en groupe, comme ça. Et, par rapport aux bourdons ou autres, il y a une compétition. C'est des espèces qui en ville ont beaucoup de mal à s'installer. Alors, brusquement, on va installer des ruches. Aujourd'hui, on est à plus de 300 ruches, je crois, dans la ville de Paris. Ce qui n'est pas énorme. Mais en même temps, il faut qu'on ait une précaution de ne pas en mettre partout en disant, voilà, on fait de la biodiversité. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont importantes dans la discussion et dans la définition de ce que c'est qu'une biodiversité. On peut y mettre beaucoup de choses, donc le pot de fleurs dont on parlait tout à l'heure, il ne faut pas qu'on mette que des pots de fleurs en disant, on fait de la biodiversité. Il ne faut pas qu'on mette que des ruches en disant, on fait de la biodiversité. Une précision. Oui, je pense que les ruches, elles sont très utiles, déjà pour avoir le miel, comme disait Philippe, mais aussi, il y a des endroits en centre-ville où il y a vraiment très très peu d'espace vert, et là, il y a un gros déficit en pollinisateurs, et si quelqu'un veut faire, je sais pas, des tomates sur son balcon, il a peu de chances d'avoir les pollinisateurs. En revanche, dès qu'on a des parcs urbains suffisamment étendus, là on a des pollinisateurs sauvages et c'est pas la peine d'en rajouter avec des ruches. Thank you. continentale. Et hop, voici passé le mi-temps de l'ultime émission de cette année qui passe. Et toujours cette émission dévolue à la biodiversité dans les villes, que ce soit aussi bien les animaux que les plantes, et toujours en compagnie de Nathalie Machon et de Philippe Clergeau. Je me tourne tout de suite vers vous, Nathalie Machon, pour vous poser la question, parce que précédemment dans notre série, on s'est occupé des champignons. Et on a regardé, évidemment, la situation des champignons avec les arbres. Parce que il faut imaginer, des arbres sans champignons, ça va pas très loin. Hein. Et ils ont besoin d'avoir un parterre, ou en tout cas un réseau de mycélium gigantesque la plupart du temps. Alors, question que vous posez directement, et dont je me fais l'écho. Comment se fait-il que les arbres poussent à travers les trottoirs? Alors on leur aménage quand même de l'espace sous les trottoirs. Il y a des fosses assez importantes qui sont creusées d'abord, et puis après on remplit de terre végétale. Ensuite, c'est l'espace est bitumé et on met une grille. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on emprisonne les arbres dans cette grille. En réalité, c'est pour que le sol qui est dessous ne soit pas trop tassé par le passage des gens. Et donc, laisser une certaine aération pour les racines, et puis la possibilité à l'eau de descendre et d'alimenter les arbres. Ils sont pas dans une situation très très favorable. Néanmoins, on fait ce qu'on peut pour qu'ils puissent bien aller. Les plus beaux spécimens sont en général près de voies d'eau. Oui. Autour de la Seine, il y a de très très beaux arbres, très majestueux. C'est vrai que dans une rue, ils ont plus de mal à se faire leur place, mais bon, ils y arrivent. Hein. C'est vrai, on peut remarquer qu'en particulier les platanes qui sont le long de la Seine, sur le quai qui est près du muséum de la ville de Paris, du musée d'art de la ville de Paris, sont gigantesques. Ouais, sont mais certainement que les racines doivent aller loin et réussir à pomper dans des zones un peu humides. Avec l'aide des champignons, à tous les coups, voilà. Je le répète là encore, hein, pour rendre justice à ces commensaux. Comment est-ce qu'on fait pour percer le bitume quand on est plante? Alors, on... Large question, c'est pas très facile. Ouais, moi, les graines arrivent dans les fissures, elles peuvent germer vraiment avec très très peu de sol. Et après, les tissus constitutifs des plantes peuvent être assez costauds, et donc il y en a qui arrivent effectivement à se faire leur place au niveau des fissures. Il y a l'eau aussi qui gèle et qui peut aussi leur donner un peu de place. Quelles sont les 10 plantes sauvages les plus fréquentes que l'on trouve dans les villes? Alors, il y a des plantes qui sont très connues de tout le monde, par exemple les pissenlits, les pâquerettes, on en voit énormément. Mais il y en a d'autres qui sont un peu moins courantes et qui néanmoins sont extrêmement fréquentes. À Paris, la plante la plus courante, c'est la vergerette du Canada. Mais oui, j'ai vu ça. C'est une espèce qui, sur le plan esthétique, vaut vraiment pas grand-chose. Mais elle produit des milliers et des milliers de graines et elle s'est répandue très très vite et très très efficacement partout dans la ville. Les gens la connaissent pas. Après, quand on montre des photos, ils ont bien l'impression de l'avoir vue quelque part. Mais après, quand on la connaît, on la voit. Elle est vraiment partout. C'est une plante exotique qui vient d'Amérique. C'est une invasive. C'est une invasive. À partir du moment où elle arrive d'ailleurs et qu'elle s'étend rapidement sur de grandes surfaces, c'est une invasive. Nathalie Machon, il y en a une pour laquelle j'aimerais bien qu'elle soit vraiment invasive, parce que j'ai appris qu'il y avait des orchidées. Oui. Dans Paris? Alors, il y a des orchidées dans Paris. Dans d'autres villes de France? Dans Paris, les orchidées, elles sont surtout dans le bois de Vincennes. Ah. Mais j'ai lancé une petite étude avec une étudiante l'année dernière, et dans des villes de banlieue, elle en a trouvé sur les trottoirs. Alors, ce sont des orchidées très modestes et surtout relativement fréquentes, hein, qui supportent bien des conditions assez difficiles. Néanmoins, c'était une surprise et elle a pu en parler dans le journal local. Oui. Et c'est des toutes petites graines minuscules qui se dispersent très facilement. Et dans les études de toits végétalisés de Paris qu'on a fait, on a trouvé aussi une ou deux orchidées, donc c'est assez exceptionnel. Voilà, comme quoi elle se propage et qu'elle peut s'installer. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre, puisque là vous me tendez la perche d'une certaine façon, Philippe Clergeau, quand on veut un toit végétal, on va commencer par les plantes, mais à regarder... pour sa construction, commençons par les plantes. Qu'est-ce qu'on peut y trouver de sauvage, par exemple, si on laisse simplement un peu de terre? Qu'est-ce qu'on va y trouver assez rapidement? Le hasard fera arriver certaines graines sur le toit. On peut pas dire à l'avance lesquelles vont s'installer en priorité, même si il y a des espèces qui sont plus rapides que d'autres pour arriver. On peut faire confiance à la nature, elle peut coloniser la toiture sans qu'on intervienne. Ce qui peut être quand même agréable, c'est d'avoir quelques plantes qui sont préférées par les habitants des bâtiments en question. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre, c'est d'avoir à la fois des espèces rases, herbacées, oui. Et puis des espèces un petit peu plus hautes qui donnent une gamme d'habitats un peu étendue pour les éventuels insectes, animaux ou oiseaux qui pourrait venir s'installer sur le toit. En tout cas, c'est effectivement très très étonnant de voir que dans des situations justement rase bitume, à des croisements, ça pousse tout le temps. La biodiversité a des ressorts insoupçonnés et ce qu'on aime bien, c'est tomber sur des plantes qui sont dans des situations tout à fait étonnantes. Et on compte là-dessus pour pouvoir végétaliser les toits, les murs. On sait qu'il y a pas mal d'espèces qui peuvent vivre dans des conditions un peu difficiles, un peu étranges. Et on compte sur ces espèces-là pour nous aider à végétaliser la ville. Oui. Alors, il y a même des associations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui est tout à fait le cas, par exemple, en astronomie, on voit le rôle des amateurs. Ils sont très importants, les amateurs, parce que les astrophysiciens utilisent des instruments très perfectionnés, regardent des choses subtiles, c'est de l'astrophysique. Mais, par exemple, pour découvrir des comètes, eh bien, dès qu'un amateur compétent téléphone à un spécialiste, tournez votre lunette, ils sont suivis, par exemple. Donc, les amateurs sont importants. Et pour vous aussi, pour connaître la biodiversité en particulier, je ne sais pas comment s'appelle cette initiative que vous avez prise. On a un programme qui s'appelle Sauvage de ma rue. Il y a un livre qui porte ce nom. Voilà, qui a pour objectif qui demande aux gens d'inventorier les plantes qui poussent dans leur rue et de nous envoyer les données. Alors, au départ, ce sont des personnes qui nous ont envoyé quelques données comme ça. Et puis, de plus en plus, les associations, les villes, les écoles envoient des données sur des territoires beaucoup plus grands, donc sur des quartiers entiers, ce qui nous permet d'avoir des données extrêmement intéressantes pour connaître la distribution de la biodiversité en ville et son fonctionnement. Donc c'est le programme Sauvage de ma rue. Alors, exemple que vous pouvez partager tous les deux, je l'ai trouvé intéressant parce que, évidemment, je suis très sensible, comme beaucoup, à la mauvaise situation qui est faite aux zones humides, qui sont absolument essentiels. Alors évidemment, on peut penser aux mangroves, qui sont des lieux, des hotspots de diversité. Et dans la région parisienne, on a rétabli une zone humide, c'est bien ça? Vous connaissez pas cet exemple? En tout cas, c'est certain qu'il faut absolument... Enfin, les zones humides ont des fonctions écologiques qui sont extrêmement importantes. Oui. Et parmi les plantes les plus rares, les plus en voie de disparition, ce sont souvent des plantes humides. À Paris, il y a 8 espèces qui sont protégées, par exemple. La plupart sont des plantes des zones humides. Donc, oui. C'est extrêmement intéressant de remettre en état des zones humides à Paris et autour, c'est clair. J'étais très étonné aussi des différentes singularités de autant nombre d'espèces que la suite entre les deux grands bois parisiens, le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il y en a un qui représente plus d'espèces du point de vue végétal? Parce que là, il y a aussi des situations de zones humides un petit peu. J'ai pas les chiffres en tête. Je crois que le bois de Vincennes est un petit peu en avance sur le bois de Boulogne, mais ça doit être, ça doit être du même ordre de grandeur. Ce qui est très important, c'est la surface qu'ils couvrent et le type d'habitat qu'ils hébergent, en termes d'espace forestier, d'espace humide, de sentiers, de prairies, etc., de clairières. Mm-hmm. C'est ça qui va faire la qualité de la biodiversité. Philippe Piageau. Oui, alors nous, ça c'est pour les plantes, mais c'est vrai que quand nous on a fait les inventaires un peu d'insectes, on a trouvé plus d'insectes sur le bois de Boulogne que sur le bois de Vincennes. Ah. Et donc du coup, on a essayé de comprendre un peu. Alors il y a effectivement les jeux d'habitat, mais la plupart des variables sont pratiquement les mêmes, hein, point de vue de la fréquentation, les surfaces quand même, etc. Et une des explications qu'on peut mettre en avant, c'est aussi les proximités, c'est-à-dire de changer d'échelle, d'examen, d'études, et de regarder beaucoup plus ce qui se passe au niveau régional. Et on voit que le bois de Vincennes est complètement isolé de tous les grands autres bois, il y a beaucoup de distance, alors que le bois de Boulogne, il est très proche du bois de Meudon, d'autres bois. Et donc, du coup, on peut imaginer qu'effectivement, que là, on a des passages d'insectes ou autres, ou de toute une, au moins pour la faune, voilà, et donc sans doute aussi pour les graines, qui passent plus facilement, voilà. Et ça nous amène aussi à notre regard d'écologue qui va jongler entre plusieurs échelles, l'échelle très fine, celle dont on parle tout de suite, et puis des échelles un peu plus globales de fonctionnement. Et on peut là profiter de cet exemple pour introduire une des notions qui est importante, c'est le couloir. Parce que là, entre Vincennes et le bois de Boulogne, il n'y a pas de couloir. Là. Voilà. Non, mais il y a des projets d'en faire. Ouais. Ah. Alors, c'est tout le projet des trames vertes et bleues hein, qui est issu du Grenelle de l'environnement et qui a posé enfin une approche écologique aux grandes échelles, donc à l'échelle globale, en disant on sait un petit peu où sont les espaces les plus riches en espèces, mais ce qu'on avait déjà, nous, abordé depuis longtemps, c'est les problèmes de dispersion. C'est-à-dire que si c'est très, très isolé, on finit par avoir des populations qui sont très sensibles à n'importe quel accident, qu'il soit génétique, sanitaire, climatique ou autre. Et donc du coup, l'idée, enfin, de reprendre en compte des vrais maillages, et donc cette trame verte et bleue, c'est à la fois des tâches, des habitats, hein, qu'on connaît pour la plupart, mais qu'on en a identifié plein d'autres, et puis des corridors, effectivement, des espèces de continuité, des corridors écologiques qui permettent à un maximum d'espèces de passer. Alors ça, c'est tout un champ de recherche qui est énorme, parce qu'on a travaillé au niveau des régions, on travaille sur des grands habitats de type forestier, de type aquatique, etc. Donc on fait des sous-trames, et puis aujourd'hui, on fait des plans de biodiversité, on est en train d'en faire, par exemple, autour du Grand Paris, hein, notamment Plaine de France, Plaine commune, etc. Et comment est-ce que ça s'organise sur des espaces pas trop denses, très très denses, et on repose donc toutes ces questions de capacité ou pas de dispersion, donc quelle végétation, où, comment, et donc on repose un peu tout ce qu'on vient de voir aussi dans des échelles beaucoup plus globales. Nathalie Machon. Mais pour donner un détail des recherches sur lesquelles on travaille, on est en train de regarder à quel point les pieds des arbres d'alignement peuvent servir de corridor pour certaines espèces végétales ou animales. En l'occurrence, pour les végétaux, il y a des espèces qui n'ont pas du tout besoin des pieds d'arbres pour envahir la ville. Hein, on parlait tout à l'heure du Sénson, de la Vergerette du Canada. Oui. Mais il y en a d'autres, en revanche, qui utilisent les pieds d'arbres pour passer d'un espace vert à un autre, pour rentrer dans les quartiers, pour arriver par une gare et rentrer dans les quartiers. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Un petit mot des lichens, parce que c'est un indicateur environnemental, bien évidemment. Alors, c'est l'hybride que c'est, hein, puisque c'est la conjugaison d'une algue et d'un champignon. Tout à fait. Mais donc, alors, effectivement, il y a des lichens qui ne peuvent pas du tout vivre dès que l'air est un peu pollué. Donc, et c'est le cas En ville ou pas ? Oui, il y a des espèces de lichens qui ne peuvent pas vivre à Paris ou dans les villes d'Île-de-France, c'est clair. Est-ce qu'on a vu des améliorations de l'environnement, s'ils existent, ou au contraire, on voit, est-ce que c'est un indicateur qui met encore plus dans le rouge la mauvaise situation ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Alors, il y a eu des travaux un peu à Londres, donc c'était là, à l'origine, qu'on avait démontré qu'il y avait effectivement des lichens qui disparaissaient, qui changeaient de couleur et autres. Et on a revu, alors je ne sais plus dans quelle ville anglaise, mais la réapparition de certains lichens qui, effectivement, avaient complètement disparu, parce qu'il y a maintenant des précautions sur des plantations d'arbres, sur moins d'usage de diesel ou de choses comme ça. Alors, passons aux espèces exotiques, animales, cette fois. D'abord, j'ai une inquiétude. J'adore, évidemment, les moineaux. Je ne suis pas le seul. Il y a le moineau domestique, on en voit. Et il y a le moineau friquet. Il ne va pas bien, hein, le moineau friquet. Il n'a plus beaucoup, oui. Pourquoi ? Il est si beau. C'est un moineau qui est beaucoup plus campagnard d'abord, hein, et puis qui niche, qui lui est beaucoup plus inféodé aux trous d'arbres, qui est plus sensible. hein, que le moineau domestique qui lui est beaucoup plus urbain, qui trouve n'importe quel, qui peut faire un nid de paille un peu n'importe où, ou qui se suffit de n'importe quelle fissure. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes comportements et effectivement pas les mêmes habitats non plus. Oui. Parlons des envahisseurs d'une certaine façon ou des oui des envahisseurs ceux qui sont arrivés par des chemins méandreux, mais qui, en tout cas, s'installent. Il y a un petit perroquet, là, agaçant, là. Hein. Il y a la perruche à collier, effectivement, qui est belle, une grosse hein. perruche verte, ouais. qui est très belle, qui est très appréciée par les citadins. 40 cm d'envergure. Hein. Oui, c'est un bel oiseau. Les ouais. gens, ils la prennent d'ailleurs pour un petit faucon vert. Donc, on reçoit beaucoup de courriers. Pour faucon vert c'est, oui, ça ressemble à un faucon, parce que c'est très pointu de tous les sens. Et c'est un oiseau qui a été introduit à partir... Alors, à Paris, on a fait des travaux, nous, dans notre équipe, là-dessus. Donc, on a avancé. On sait comment il est arrivé. Hein. Il est arrivé par les aéroports. Il y a eu des cages qui ont été ouvertes, peut-être par accident, et qu'on a lâché plusieurs dizaines d'espèces d'individus en même temps. Et on a retrouvé à Roissy, comme à Orly, des gros dortoirs de perruches qui, aujourd'hui, deviennent de plus importants. Il y en a 5000 aujourd'hui, c'est notre dernier comptage. Mais il y en a 30 000 à Londres. Donc, du oui, coup, à Londres... J'ai vu ça, ils 30 000 à 30 000 à Londres. Donc, ils ont une vraie... Il y a des vraies inquiétudes parce que au début tout le monde adorait ça. Maintenant, ça fait beaucoup de bruit. C'est toujours pareil. Le problème, c'est le nombre. Et le problème, c'est pas l'oiseau ou la plante. Le problème, c'est quand il y en a trop d'une seule espèce et qu'on a des individus qui sont très très denses. Donc du coup, on a des effets à ce moment-là. On a des impacts sur les activités humaines, sur les écosystèmes. C'est ça. C'est toujours pareil. La notion de seuil. Alors, comme l'écureuil américain chasse notre adorable écureuil roux... Pas en France. Non, c'est vrai, bien sûr. C'est vrai en Angleterre et ça commence en Italie, mais c'est pas vrai encore en France. Oui. Mais les inquiétudes aussi à ce niveau-là, oui, tout à fait, oui. Donc parfois est-ce que ça peut prendre la place ces perruches-là? Est-ce qu'elles peuvent prendre la place de quel oiseau et de quelle espèce? Alors a priori, parce qu'elles sont féroces, elles sont vraiment invasives. Quoi, on dit voilà, on dit qu'elles sont un peu agressives. C'est vrai que on vient de faire des études sur les mangeoires de autour de Paris notamment, et on a montré qu'effectivement on avait un petit peu moins de petits oiseaux. Ils attendent que les perruches aient fini de manger pour pouvoir aller sur la mangeoire. Donc il y a des formes d'effet par évitement. C'est pas vraiment de l'agressivité, voilà. Ouais. Alors prendre la place d'eux, c'est bien plus compliqué. On a des impacts au niveau de qu'on essaye d'étudier, mais qui sont compliqués à chiffrer. Parce que cette perruche-là, elle niche dans des trous d'arbres et elle prend, comme elle niche très tôt et puis qu'elle est un peu effectivement sûre d'elle, elle peut évincer des petits pics, le pigeon colombin, des sitelles, des étourneaux. Donc il y a des préoccupations vis-à-vis de ça qui sont pour l'instant plus ou moins fondées. Il y a des travaux qui disent oui, des travaux qui disent non. C'est un peu les difficultés de documenter des sujets comme ça. Alors si on reste à Londres, est-ce que on peut regarder le renard, parce que à Londres il y en a beaucoup, hein, beaucoup beaucoup. À Paris il y en a aussi. Oui, il y en a aussi à Paris. Combien? Ah, il est beaucoup. Avant, les chiffres, ça, on sait pas trop. On a découvert celui du muséum quand il y a eu de la neige il y a 3 ans, 4 ans. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Parce que on savait pas qu'il venait effectivement dans notre ménagerie. Et c'est quand il y a eu tout le tapis de neige où personne n'a le droit, puisque le jardin des plantes est fermé en cas de neige, et que les soigneurs ont reconnu la trace du renard qui doit venir du bord de Seine, qui a réussi et donc qui s'est certainement installé quelque part dans le jardin. Donc voilà. Donc c'est effectivement fait partie des animaux un peu généralistes dont je parlais tout à l'heure, qui sont capables de, à partir du moment où il y a des ressources, un abri pour se cacher, voire pour se reproduire, et surtout de quoi manger, on peut tout à fait s'installer pour une certaine période dans la ville. Alors on va peut-être maintenant regarder la ville à venir. Et vous m'avez dit une chose tout à fait étonnante, c'était, allez, on va garder les choses dans l'anonymat, mais que vous aviez été étonné de rencontrer, je ne sais plus si c'est un urbaniste ou un architecte, alors qu'il y a un impératif de la ville durable, bien évidemment, il y a l'impératif de la ville verte, de la ville du futur, et donc architecte ou urbaniste ne connaissait pas exactement l'idée d'écosystème. La première question, quand c'est étonnant. Oui, quand on a essayé de publier, de discuter un peu ensemble, c'est vrai que les premières questions, ça a été, mais c'est quoi l'écologie urbaine? Et d'abord, c'est quoi écologue? Ça veut dire quoi? Donc, aucune notion. Qu'est-ce que vous foutez? Exactement. C'est quoi ce métier? Donc du coup, voilà, on avait commencé par plutôt des interviews sur le métier d'écologue et voir d'écologue en ville avant d'aborder des questions plus techniques. Oui, tout à fait. Et alors, quelles recommandations vous donnez? En particulier, est-ce que la végétalisation des toits est une bonne initiative? D'abord, essayer de mobiliser le bâti existant. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que ça doit être dans le cahier des charges, au maximum maintenant, puisqu'il y a des mesures, il y a quand même des revendications, enfin pas des revendications, des indications. Est-ce qu'on peut imaginer d'appuyer sur la partie du cahier des charges qui dit faut végétaliser de façon forte? Par exemple, là je remarquais qu'il faut 25 centimètres, c'est dans votre ouvrage, il faut 25 centimètres de terre pour, enfin 20, ça marche. Ça peut aller de 5 à 25, c'est la fourchette que vous donnez. Hein. Et donc, à ce moment-là, on peut commencer par exemple à faire un jardin potager. Potager ou installer ce qu'a dit tout à l'heure Nathalie. Plus on en a, n'importe comment, de végétation, mieux ça vaut. Mm-hmm. Et pas que du potager. Le problème du potager et de la biodiversité, c'était longtemps quand même un petit peu opposé. Hein. Aujourd'hui, c'est des réflexions qu'on a sur l'agriculture biologique, sur la façon de traiter les sols, la façon de planter aussi autour de la planche de tomates, etc., etc. Donc du coup, là, il y a une autre approche. Mais il y a plusieurs éléments. D'abord, plus on va végétaliser et plus ces végétaux s'auto-entretiendront, c'est-à-dire sans qu'on ait une gestion énorme, mieux c'est ça vaudra. Ça, oui. Donc du coup, ça veut dire par rapport à l'arrosage, on a parlé des pesticides, on a parlé des plantes sauvages et locales. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important et qui fait sens au niveau de l'habitat. Et puis puisqu'on a abordé la notion d'urbanisme, après c'est comment ça s'organise ces choses-là. C'est vrai que de mettre quelques pots de géranium dont on parlait tout à l'heure, ou d'avoir une toiture végétalisée complètement perdue au milieu d'un immense arrondissement où il n'y a rien du tout comme végétation, n'a pas vraiment de sens globalement pour un écosystème, pour une biodiversité. Donc je pense qu'il y a une approche au moins à ces deux niveaux-là à systématiser. Nathalie Machon, est-ce que vous auriez la préconisation suivante? C'est mettez de la terre puis laissez faire. Oui, c'est une façon de faire qui est relativement efficace. Après, ça veut dire qu'on choisit pas vraiment ce qui va s'installer, mais tout dépend de l'objectif. Si l'objectif c'est l'esthétique, on peut peut-être choisir un peu des végétaux qui nous plaisent. Si l'objectif c'est un fonctionnement écosystémique assez autonome, à ce moment-là, la nature va se débrouiller toute seule, coloniser et mettre en place ce qu'elle sait faire, hein, des écosystèmes. Voilà. Et autrement, pour ce qui est des jardins communs, vous voyez la chose de quel œil? Les jardins partagés, vous voulez dire? Oui, partagés, pardon, excusez-moi. Mais pas spécialement sur les toits. Non, en général. C'est une initiative qui paraît extrêmement intéressante, dès lors que les pratiques sont en faveur de la biodiversité, bien sûr, hein, pas d'utilisation du tout de pesticides. Et puis, aménager ces jardins, maintenant, on les conçoit en aménageant des zones qui vont rester naturelles pour une biodiversité sauvage qui rendra des services à la biodiversité cultivée. Oui, il y a quelque chose sur laquelle vous insistez beaucoup, Philippe Clergeau, et vous aussi d'ailleurs, Nathalie Machon, c'est de dire que la biodiversité, son souci, planter, essayer de verdir ou de reverdir la ville, c'est un élément absolument essentiel de la sociabilité. Ah oui, tout à fait. Alors, on vient de parler des jardins partagés, dont la première fonction, c'est pas de donner des tomates, c'est de recréer du lien social. Faut être clair. Et je crois que c'est vraiment important. Et la nature, ça a été très bien démontré que cette approche, à travers le jardinage, à travers même le site dans lequel on va se retrouver, favorise complètement et participe un peu de ce lien social. Alors ça, c'est pas trop notre domaine. On en a des collègues qui sont plus pointus là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait partie des aménités, hein, comme on dit, très importantes de cette nature en ville. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont toujours les bienvenues. Je redonne les titres de vos ouvrages. Où se cache la biodiversité en ville? Vous êtes deux à le signer, donc, qui est avec moi, Philippe Clergeau. Nathalie Machon, c'est publié aux éditions Quae, et puis il y en a un que vous avez signé tout seul, comme un grand, et qui, Philippe Clergeau, et qui porte le titre suivant, Manifeste pour la ville bioversitaire. Biodiversitaire. Biodiversitaire. Manifeste pour la ville biodiversitaire. C'est aux éditions Apogée. À la technique aujourd'hui, Olivier Pasquier. Pour la documentation, Thierry Beauchamp. À la réalisation, Dany Journeau. Stéphane Delisgeorges, Continent Science et Balade diffusée. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet franceculture.fr avec la possibilité de nous télécharger pendant un an et de nous écouter pendant 1000 jours. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Il me reste à vous souhaiter, pour finir, une très belle après-midi sur France Culture et puis vous dire tout de suite, c'est les bonnes feuilles.